Et voici maintenant la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery. Le sabbat des sorcières. Le sabbat des sorcières est à la fois une fête en l'honneur du diable et une assemblée permettant l'intronisation de nouveaux membres. Bien qu'il puisse avoir lieu tout au long de l'année, il se déroule classiquement à date fixe, 4 fois par an. Le 2 février, la nuit du 30 avril au 1er mai, le 23 juin et le 31 octobre. Le sabbat de la nuit du 30 avril au 1er mai est le plus important. On l'appelle la nuit de Walpurgis, en l'honneur de Sainte Walburge, abbesse allemande de Heidenheim, décédée à la fin des années 770. Encore aujourd'hui, se déroule tous les ans sur le Mont Brocken, en Saxe, un carnaval ressemblant étrangement à l'Halloween du continent nord-américain. Quand l'heure du rendez-vous approche, les sorcières s'enduisent d'un onguent spécialement préparé à cet effet. On y retrouve entre autres décoctions de la jusquiame noire ou Datura stramonium et de la belladone. Ces plantes sont depuis connues pour renfermer des alcaloïdes qui peuvent expliquer bien des hallucinations, ainsi que l'ouverture démesurée des pupilles déjà constatée par le magistrat Pierre de Lancre, chargé de la chasse aux sorcières au début du XVIIe siècle. Les sorcières enfourchent parfois un bouc, mais le plus souvent leur balai, symbole magico-sexuel entre phallus et baguette du diable, comme le précisaient les Errores Gazziazorum de 1450. L'imagerie populaire place toujours le manche du balai vers l'avant, mais c'est parfois le contraire, comme le représente Albert Penaud en 1911 dans sa toile « Départ pour le sabbat ». Il n'est pas rare que, fendant les nuages pendant leurs envolées, les sorcières déclenchent ça et là quelques orages. Arrivés sur place, les séides du démon évoquent leur maître qui apparaît classiquement sous la forme du bouc Léonard, tel qu'immortalisé en 1778 par le peintre Francisco de Goya. Un hommage unanime lui est rendu sous la curieuse forme d'un baiser entre les fesses, et la fête peut alors commencer. Les sorcières sont entièrement dénudées, s'embarquent dans une farandole frénétique où se mêlent corps libidineux de femmes et corps éthérés de mauvais esprits. La nuit se passe en bacchanale où l'ivresse et la débauche la plus extrême permettent d'oublier, pour quelques heures, la misère et la monotonie quotidienne. Chacun danse à perdre haleine, sous un ciel assombri de toutes sortes de créatures infernales et virevoltantes. La sarabande s'interrompt parfois, le temps d'une salve d'imprécations, sous le regard satisfait du bouc Léonard qui trône, une chandelle de cire humaine sur la tête, au milieu de la sinistre mêlée. Mais le jour ne va plus tarder à poindre, annonçant ainsi que la réalité va devoir reprendre ses droits. Les démons s'évaporent, et les sorcières s'apprêtent à rentrer chez elles, certaines comme elles sont venues sur leur balai, d'autres en se transformant en animaux. Le charme est rompu, jusqu'à la prochaine fois. Venez d'entendre une capsule de la série « Le diable dans tous ses états », présentée par M. Régis Ollery.